Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute de nos programmes et tout de suite, Histoire vivante jusqu'à 14h sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le petit fait encore des siennes. La diplomatie et l'influence par le chéquier. On estime à peu près à 50 milliards de dollars les excédents financiers annuels du Qatar. Retour sur le Qatar. Qui cherchent à se positionner comme une puissance influente. Ils se disent que si les autorités du Koweït avaient organisé la Coupe du Monde en 1990, l'Irak ne les aurait pas envahis. C'est 1,7 million d'habitants, mais surtout 200 000 autochtones. Ce petit pays voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn rompre leurs liens diplomatiques avec lui. Il y a aujourd'hui des associations, des groupes qui, au nom d'une religion ou au nom d'actions caritatives, recueillent des dons privés qu'ils détournent. Si l'émir nous demande notre avis, alors on lui dit sincèrement notre avis. Et s'il ne vous pose pas la question, vous gardez votre avis pour vous, il ne compte pas. Aujourd'hui encore en effet le Qatar, mais sur un plan tout autre qu'à l'habitude dans Histoire vivante, puisqu'il sera question de football. L'émirat, on le sait, a misé, et pour le moment gagné, concernant son engagement auprès du ballon rond. Tout autant par l'acquisition d'importants clubs européens que par la future organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Il nous fallait bien dénicher un spécialiste de la question, passionné des questions géopolitiques, mais également de sport. Ce spécialiste, nous l'avons trouvé, il se montre et se fait entendre assez rarement dans les médias. Dans un instant, nous avons le plaisir de recevoir le chercheur Sébastien Abyss. Puis je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse. Je m'excuse, vous étiez en train de regarder vos notes, je vous dérange en plein travail. Alors je suis Sébastien Abyss, je suis analyste géopolitique. Je travaille au sein d'une organisation qui s'appelle le SIAM, qui travaille sur les questions alimentaires et agricoles du bassin méditerranéen, mais parallèlement, j'ai une activité d'expertise et d'analyse en collaboration notamment avec l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, où je suis chercheur associé, mais également avec des revues scientifiques internationales, Futurible, dans le domaine de la prospective, et Confluence Méditerranée, une revue d'analyse politique, culturelle, économique sur les grandes tendances du bassin méditerranéen. Et j'ai deux entrées thématiques complémentaires à celle sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, une entrée thématique liée aux enjeux stratégiques en Méditerranée et au Moyen-Orient, et une entrée liée à la géopolitique du sport et du football en particulier. Sébastien Abyss, je vous cite, par ses dimensions internationales, financières, culturelles et médiatiques, l'industrie du football apparaît comme le secteur sportif prioritaire pour le Qatar. On va cependant découvrir avec vous et grâce à cet article qui est paru dans la revue Confluence Méditerranée Qatar jusqu'où, paru à l'hiver 2012-2013 chez l'Harmattan, on va s'apercevoir que le football n'est de loin pas le seul support sportif auquel le Qatar semble s'intéresser. Ce n'est pas semble d'ailleurs, il faut vraiment enlever le semble, vu les enjeux financiers absolument gigantesque que le Qatar investit dans l'ensemble du sport. On va les parcourir aujourd'hui, on va en faire un peu un tour de raison, au moins en termes de rappel. Qu'est-ce que c'est peut-être, en premier lieu, cette idée de vouloir conquérir une place majeure, je vous cite encore, dans ces affaires de stratégie internationale sportive? Il faut bien comprendre que l'émirat du Qatar fait de la prospective appliquée. Alors évidemment, cette possibilité de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit et de voir le temps long repose évidemment sur un système politique interne qui est relativement figé, même si le pouvoir a été transmis récemment au jeune prince Tamim, qui est devenu l'héritier du cher Hamad, qui montre bien que le Qatar est plein de surprises, y compris dans ses dynamiques internes. C'est un pays qui aujourd'hui fait de la prospective appliquée au sens où il a cet objectif à l'horizon 2030 de préparer une économie reposant sur des revenus non fossiles et donc préparer l'après-hydrocarbures. On sait aujourd'hui que la puissance du Qatar repose sur sa manne gazière et les gigantesques réserves financières que cela procure et libère pour des investissements aux quatre coins de la planète. Ce qui est intéressant, c'est que cette manne pétrolière, parfois qui a été un handicap pour le développement de certaines nations, la fameuse théorie du mal hollandais, quand une économie de rente obère le développement d'autres secteurs d'activité et nuit à la diversification des actifs économiques, le Qatar semble, comme dans d'autres aspects, retenir certaines leçons de l'histoire et a décidé, il y a une dizaine d'années, d'avoir un grand plan de développement, de diversification économique, et que cette économie non fossile devait être prête à l'horizon 2030. Pour ce faire, il faut investir intelligemment en dehors des frontières qatariennes et placer les recettes aujourd'hui tirées des hydrocarbures, de la manne gazière, sur des actifs dynamiques, sur des actifs porteurs d'opportunités multiples. Le sport en fait partie. On peut très rapidement citer le fait que, bien sûr, le Qatar a investi, par exemple, très fortement l'immobilier de luxe ou l'immobilier à travers des infrastructures aux quatre coins de la planète. On a eu des projets controversés de rachat de ports aux États-Unis bloqués compte tenu de la sensibilité de ce type d'infrastructure. Mais on peut rappeler que le Qatar a racheté beaucoup d'immobilier à Paris, à Londres ou dans d'autres villes du vieux continent. Sur l'aspect sportif, clairement, il y a plusieurs paris qui sont faits en simultané. C'est-à-dire que le sport est à la fois une activité qui aujourd'hui peut être considérée comme une véritable industrie par les revenus qu'elle génère, le football en particulier, on en parlera. Mais le sport est aussi une façon de s'acheter une certaine reconnaissance à l'international. Donc la diplomatie sportive que le Qatar développe depuis plusieurs années vise avant tout à une certaine notoriété d'un micro-État dont l'expression politique doit être forcément inversement proportionnelle à la taille de son territoire. Ce qui est important de rappeler par rapport au sport, c'est que le Qatar qui cherche à se positionner comme une puissance influente a utilisé le sport comme un instrument parmi d'autres, cherchant peut-être aujourd'hui à recombiner l'ensemble de ces instruments, mais on sait que le Qatar joue un rôle médiatique important depuis quelques années avec la création de la chaîne Al Jazeera, qui a bouleversé le paysage audiovisuel du monde arabe, voire même d'une partie de la planète, compte tenu de l'impact de l'image Al Jazeera sur les sociétés et la façon dont Al Jazeera a pu couvrir certains événements avec une orientation politique affirmée, assumée. Le Qatar a aussi un rôle aujourd'hui diplomatique certain sur certains dossiers stratégiques au Proche-Orient, en Afrique. Il serait idiot de le nier ou de le voir que du mauvais côté. Les choses sont plus complexes, c'est pas noir ou blanc, quoi. Il faut regarder les choses dans toutes leurs dimensions. L'aspect sportif permet vraiment aussi de véhiculer une image plus sympathique éventuellement du Qatar, parce que le sport, par sa popularité, par sa dimension universelle, par le fait que l'activité sportive, au-delà de gains financiers potentiels, permet d'acheter indirectement des consciences. Et donc quand le Qatar rachète des clubs de foot, sponsorise des clubs, crée une marque sportive, organise des événements sportifs sur son sol, sponsorise éventuellement des équipes dont la notoriété est forte, évidemment, c'est poser la marque Qatar, la marque pays Qatar, sur des supports médiatiques importants, beaucoup plus importants que peuvent l'être parfois des conférences internationales liées à la paix, la sécurité ou certains dossiers qui sont un peu loin des opinions publiques parfois. Et vous savez, Majesté, combien j'ai applaudi à l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, d'être ici et de soutenir cette candidature qui me paraît honorable. Bonjour, je m'appelle Yann Arthus Bertrand. Je ne peux que soutenir la candidature du Qatar. Sébastien Bis, on va poursuivre en même temps en indiquant au passage que le football n'est de loin pas le seul sport auquel s'intéresse le Qatar. Vous citez dans votre article les courses équestres, le handball, l'athlétisme ou encore le cyclisme, également la santé, également les vêtements sportifs. Avant que vous n'évoquiez quelques-uns de ces chapitres, un mot me vient à vous entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient de la revanche Ou y a-t-il d'une autre manière, mais ça vous aurez certainement l'occasion de l'exposer, toute la dimension du risque, parce que tout ce qu'on est en train de voir être acheté, ce sont des références strictement occidentales. Mmh. Oui, le Qatar a compris que dans son désir de puissance, qu'il assume depuis la fin des années 90, pour exister, il fallait utiliser des instruments diversifiés. Le sport, on l'a dit, offre plusieurs avantages dans cette optique. Et évidemment, on peut être troublé par la dimension occidentale, presque exclusive, sur cette stratégie. Même si on pourra évoquer certains sujets sur le sport en Afrique et le football en Afrique. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est que le Qatar aujourd'hui, que ce soit sur l'immobilier, sur des actifs financiers, sur l'automobile, on peut penser à Porsche, ou sur le sport, se centre plutôt sur l'Europe. D'abord, peut-être convaincu que l'Europe est plus facile aujourd'hui comme proie, parce que les besoins financiers en Europe sont colossaux, que peut-être en Europe, la législation permet aujourd'hui des investissements dans des secteurs stratégiques de manière plus facile que sur un marché américain plus protégé, ou la puissance publique, toujours très soucieuse de contrôler certains pans de l'activité et de l'économie de la nation. Le Qatar peut jouer aussi vis-à-vis de l'Europe ce pont souvent évoqué d'une relation privilégiée entre l'Europe, le monde arabe. Le Qatar aspire à être une sorte de médiateur. On l'a vu sur la Libye, on le voit encore un peu sur la Syrie, avec toutes les controverses que ça suscite. On l'a vu sur, bien sûr, le dossier palestinien, ce rôle de médiateur politique pour faciliter le dialogue des puissances dans cette partie du monde très sensible, où les Européens ne peuvent pas rester indifférents, compte tenu qu'ils sont voisins géographiquement. Faciliter ou influencer ? Alors, faciliter ou influencer, ça c'est l'une des problèmes, c'est qu'on voit bien aujourd'hui comment le Qatar suscite des controverses, suscite la critique. On peut d'un côté le comprendre compte tenu de l'ampleur à la fois des moyens financiers exprimés, mobilisés par le Qatar pour exister en dehors de ses frontières, le comprendre par rapport à des stratégies politiques moins assumées, donc avec des financements d'ONG dont on sait que certaines au Mali n'ont pas toujours véhiculé des messages de paix, de tolérance, etc. Donc il y a des controverses autour de ça. Pour autant, on voit aussi comment on tombe vite dans une critique exacerbée du Qatar, parce que c'est un pays arabe, parce que c'est une monarchie du Golfe. Et donc un discrédit douteux, pour le coup. Et donc, évidemment, ce que ferait ce pays serait évidemment à contrôler davantage que d'autres puissances, d'autres régions de la planète. Je sens que vous allez y aller de votre petit pic à destination peut-être de la Russie ou de la Chine. Non, mais par exemple, on peut très bien regarder aujourd'hui, en effet, sur le Qatar. Souvent, le débat tourne très vite entre les pros et les anti-Qatar. Le monde est quand même beaucoup plus complexe aujourd'hui que ces schémas binaires. Ça vaut pour le Qatar, ça vaut pour n'importe quelle question. Et là encore, il faut pouvoir, sur chaque argument, essayer d'apporter des analyses contradictoires, en tout cas différenciées, mais en aucun cas tout noircir dans ce que le Qatar fait aujourd'hui. On peut s'étonner du rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar. On peut se réjouir aussi que cet argent a permis de reconstituer un grand club en France sur le terrain football, qui a contribué à l'exposition médiatique du championnat français, qui a ramené des grands joueurs dans le championnat français et qui permet en plus à la ville de Paris de retrouver un rayonnement international complémentaire qui soit pas simplement le fruit de Disneyland à Marne-la-Vallée. On caricature, mais on peut regarder les choses un peu aussi sous cet angle. Évidemment, sur le Qatar, on peut observer le débat actuellement sur l'organisation de la Coupe du Monde en 2022 qui lui a été attribuée. Ce rendez-vous suscite déjà beaucoup de polémiques par rapport aux droits des travailleurs sur les chantiers, des ouvriers aujourd'hui qui sont mobilisés sur la construction des infrastructures, des stades, des hôtels en vue de l'événement sportif. Avec toute une série de critiques, de rapports, d'ONG, le Parlement européen a adopté une résolution au mois de novembre 2013 invitant le Qatar à progresser en termes de législation, de normes du travail, l'importance de protéger le statut des employés, notamment des immigrés qui aujourd'hui sont mobilisés à la construction des infrastructures dans le pays. On voit que sur le Qatar, malgré pourtant l'influence que ce pays peut jouer aujourd'hui par son aspect financier ou diplomatique sur certains dossiers, la critique est plus facile et en effet on retrouve très simplement la méfiance qu'on peut souvent observer vis-à-vis du monde arabe et des pays arabes qui sortent de leurs frontières et qui aspirent à jouer un rôle stratégique en dehors du monde arabe. Et la taille ? Et la taille d'un petit pays, bien sûr, qui peut faciliter la critique, encore que la taille de ce pays aujourd'hui, géographiquement, est quand même assez contrastée par rapport à ses investissements aux quatre coins de la planète. Je pense que si le Qatar, s'il était dans une brutalité géopolitique complète à rapatrier tous ses investissements à l'étranger, peut-être que certains marchés, certaines places financières et certains secteurs d'activité aurait un peu de soucis à se faire pour retrouver ses financements et la durabilité aussi de ses financements. Car n'oublions pas, le Qatar investit pas simplement par des coûts occasionnels et conjoncturels, mais investit dans la durée sur beaucoup de secteurs et sur plusieurs années. Ce n'est pas du compulsif, c'est pas du conjoncturel. Il y a de l'investissement structurel et il y a souvent une volonté de s'inscrire sur la durée. Très clairement, aujourd'hui, c'est ce qui est fait sur certains contrats de sponsoring. On peut se souvenir, par exemple, que le maillot du FC Barcelone, grand club de football, le plus grand du monde, selon les supporters catalans, qui a longtemps... On sent bien que vous ne mettez pas votre propre estimation dans la balance. Si, non, j'ai beaucoup de respect pour le club de Barcelone, que j'aime beaucoup, mais on peut voir comment ce club, qui a longtemps, très longtemps résisté aux sirènes financières du sponsoring maillot, compte tenu de la dimension très catalane affirmée à travers le club de football, qui avait d'ailleurs, par un geste quasiment unique, aujourd'hui dans le paysage football, mis le sponsor de l'UNICEF pendant quelques saisons pour reverser à l'UNICEF en fait des recettes de sponsoring, a finalement cédé aux sirènes financières avec un sponsoring Qatar Foundation qui s'élève à 150 millions sur 4 années, ce qui est colossal, qui permet bien sûr à un club de football d'avoir des moyens démultipliés. Et ce qui fait la force du Qatar aujourd'hui, c'est de proposer du sponsoring par exemple là-dessus, mais sur d'autres secteurs on retrouve ce même schéma, qui soit sur des engagements pluriannuels et souvent pas 2-3 ans, mais 4 ans, 5 ans, voire 10 ans. Et l'organisation d'événements sportifs dans les années à venir va dans ce sens. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer le terrain pour que le Qatar s'installe parmi les nations qui, sur le terrain sportif, vont compter. Non pas par la performance humaine, encore que le développement de centres de formation sur certaines activités sportives pourrait permettre à moyen long terme, et là on parle de 10 à 20 ans, de construire éventuellement des équipes au Qatar, au niveau national, qui peuvent jouer un certain rôle dans certaines compétitions. Mais le Qatar, conscient de sa faiblesse démographique, de sa faiblesse en termes de performance humaine sur les grands sports activités, a compris qu'il pouvait rayonner, s'acheter une reconnaissance, exister donc sur la scène géopolitique sportive en mettant beaucoup d'argent et en étant performant sur l'aspect médiatico-économique de l'activité sportive. Pourrait-on appeler, selon vous, Sébastien Abyss, le pays labo ? On est dans le laboratoire, dans l'expérimentation. On fait appel pour le moment, on se donne les meilleurs atouts possibles. Ou en gros, on amène les meilleurs spécialistes du monde en les payant très largement. Est-ce que l'idée du pays labo vous irait ? Oui, on peut souscrire à cette expression. On peut la regarder en effet dans différents angles. Sur le terrain sportif, le Qatar peut être un bon laboratoire sur, par exemple, tout ce qui est l'aspect médical. En effet, vous évoquez le côté spectaculaire du centre Aspetar à Doha, qui ambitionne de devenir le pôle de référence mondiale sur le traitement des blessures des sportifs de haut niveau, sur leur rééducation, mais aussi sur de la préparation physique. Donc on a de plus en plus de sportifs qui vont à Doha à la fois se soigner en cas de blessure ou alors se préparer avant des compétitions. Et ce centre aujourd'hui est réputé parce que les meilleurs spécialistes, les meilleurs médecins de la planète y font soit des consultations, soit ils travaillent à temps plein. Donc évidemment, quand on a les meilleurs chirurgiens de la planète, ça permet de gagner en attractivité pour un centre médical de ce type. Évidemment, les moyens financiers du Qatar permettent aussi à un centre comme celui-là d'être doté des meilleures technologies de santé et de soins pour les sportifs qui vont se faire soigner. Et nous avons une recherche scientifique aussi qui est extrêmement poussée en parallèle. On peut avoir de très bons professionnels de la médecine, on peut avoir de très bonnes infrastructures avec des technologies modernes. Il y a aussi la volonté de pousser la recherche scientifique pour améliorer justement les performances des sportifs dans une stratégie de lutte aussi contre le dopage, etc. Donc ce centre Aspetar ambitionne d'être aussi un centre de lutte contre le dopage des sportifs pour trouver des moyens à certains sportifs d'améliorer leur performance de manière très saine, tout à fait réglementaire. La fameuse oxygénothérapie, voilà, en fait partie. Il y a toute une batterie de dispositifs qui font que Aspetar est un laboratoire en puissance d'un arsenal juridico-médical qui puisse correspondre à la fois le besoin du sportif, l'exigence du politique et de la santé par rapport aux activités sportives et de concentration sur un site unique de recherche médicale à vocation sportive. Clairement, cette ambition sur ce terrain médical est complémentaire du reste. C'est-à-dire que si le Qatar ambitionne d'être une nation qui veut faire de la diplomatie par le sport et donc d'avoir une diplomatie sportive affirmée, toujours dans ce souci de puissance et de reconnaissance à l'international du rôle du Qatar sur les affaires de la planète, évidemment, nous pouvons avoir d'un côté des investissements financiers sportifs en Europe, rachat du PSG, sponsoring du maillot de Barcelone. On peut avoir un centre médical à Doha très performant pour attirer les sportifs, pour attirer les meilleurs médecins sportifs de la planète. Mais on a aussi cette volonté d'organiser de l'événementiel. Alors il y a des rumeurs qui sont parfois lancées sur le fait que décision aurait été prise de lancer le Tour de France depuis Doha, avec évidemment toute la complexité du climat en plein mois de juillet pour faire une étape en plein désert, donc avec les mêmes controverses qu'on peut avoir sur la Coupe du Monde en plein été en 2022 dans ce pays. Mais on sait que Doha, en effet, rêverait aujourd'hui, compte tenu de ce que véhicule le Tour de France dans l'imagerie populaire et en aspect médiatique à travers la planète, rêverait d'accueillir un départ du Tour de France. Ce Tour de France qui est de plus en plus délocalisé dans son départ, pourquoi pas un jour partira du Qatar. Ce n'est pas impossible, surtout que parallèlement, Qatar Airways aspire à jouer un grand rôle dans le transport des sportifs de haut niveau à travers la planète. Donc il sera facile que Qatar Airways mette ses cargos aérien à disposition pour rapatrier le matériel, les vélos et les coureurs très rapidement dans l'Hexagone pour poursuivre les étapes de la grande boucle. Ça, c'est l'aspect cyclisme. On peut évoquer aussi la volonté du Qatar d'accueillir une course de Formule 1. On est jaloux aujourd'hui à Doha du fait que Bahreïn, depuis 2004, accueille une course de Formule 1. On connaît le potentiel aussi médiatico-financier d'une course de Formule 1. Et donc aujourd'hui, le Qatar qui a réussi au niveau moto à accueillir depuis quelques années un grand prix, aimerait au niveau automobile avoir une course de Formule 1 sur le circuit de Lusail, qui étant un peu la ville nouvelle au nord de Doha, où devraient se concentrer à peu près toutes les activités sportives, y compris la Coupe du Monde 2022 dans le grand stade en construction à Lusail, qui accueillera le match d'ouverture et normalement la finale. Sébastien Abyss, il va vous rester malheureusement trois petites minutes pour exposer un sujet sur lequel vous travaillez énormément, donc je vais vous laisser très rapidement la parole. Je vais l'introduire simplement en ces quelques mots. Le Qatar s'intéresse-t-il à d'autres types d'investissements que strictement sportifs? Pour ceux qui pourraient toucher les questions de nourriture, qu'en est-il? Et là, je sais que trois minutes sont tout à fait insuffisantes. On ne va juste faire aujourd'hui qu'entrouvrir et on vous laissera bien sûr très prochainement la parole, ainsi qu'avec Mathieu Brun, avec qui vous travaillez, que vous pourrez présenter d'un mot sur cette question qui mérite beaucoup plus de temps. Oui, il y a une autre vulnérabilité pour un pays comme le Qatar, c'est bien sûr sa situation géographique qui l'expose à une insécurité alimentaire croissante. Alors on dira toujours que le Qatar n'a pas une population très importante, certes, mais c'est un pays qui d'ores et déjà dépend à 90% des approvisionnements extérieurs pour nourrir sa population. Et nourrir une population immigrée qui, elle, est de plus en plus nombreuse, notamment pour développer les infrastructures. Et si en plus on ajoute l'idée qu'il y aurait 7 millions de touristes par an qui séjournent au Qatar, il va bien falloir leur fournir de la nourriture. Donc cette nourriture viendra de l'étranger. Or, nous sommes depuis quelques années devant le constat que la dimension géostratégique de la sécurité alimentaire s'amplifie. Tout simplement parce que dans le monde, la demande aujourd'hui a tendance à dépasser l'offre. Nous avons une croissance démographique d'un côté, une croissance économique qui modifie les régimes alimentaires et parallèlement des performances agricoles qui ont tendance à se tasser. Les rendements n'augmentent plus aussi fortement et aussi rapidement que lors de la fin du XXe siècle. Et nous avons des difficultés logistiques, infrastructurelles, les prix alimentaires sont de plus en plus élevés sur les denrées de base, etc. Donc, dans un monde où les pouvoirs d'achat se contractent, cette équation de comment se nourrir, notamment quand on dépend des marchés extérieurs où les prix, eux, sont à la hausse, se pose avec acuité. Ce qui est intéressant sur le Qatar, c'est qu'il cherche aujourd'hui à se mobiliser dans une diplomatie agricole en essayant de coaliser les pays désertiques, les pays, en gros, de la bande équatoriale, qui sont tous exposés à l'insécurité alimentaire, qui dépendent tous des marchés internationaux pour se nourrir, en leur disant que, en se rassemblant, on pouvait stratégiquement peser sur les marchés et donc essayer de faire une espèce d'OPEP inversée autour de certains produits stratégiques par l'agrégation statistique et par la masse démographique que représentent ces pays. Mais le Qatar a aussi, par ses moyens financiers, développé un programme de sécurité alimentaire qui vise, par de la technologie de très haut niveau, à améliorer les performances de culture locale en plein désert, avec du coup toute une réflexion sur la soutenabilité environnementale de ce type de dispositif, pour réduire son insécurité alimentaire et peut-être contribuer aussi à un jeu de diplomatie agricole dans la région du Golfe, qui est une région exposée à cette incertitude alimentaire. Et le Qatar, en investissant à la fois sur ces technologies internes, mais aussi en achetant des terres aux quatre coins du monde ou des investissements dans des usines de transformation performantes aux quatre coins de la planète, peut contribuer à devenir un hub alimentaire pour la région du Golfe et donc contribuer à la sécurité de cette zone dont la sismicité est déjà suffisante pour ne pas en rajouter une sur le plan agricole dans les années à venir. Et c'est ainsi sur votre proposition, Sébastien Abyss, que Mathieu Brun avait pu rédiger cet article intitulé « Qatar, une stratégie agricole au service de la puissance » avec un point d'interrogation dans la revue Confluence Méditerranée « Qatar jusqu'où s'est paru ?» à l'hiver 2012-2013. Chez l'Harmattan, on dit très rapidement au revoir parce que nous sommes au bord du bord du bord. Sébastien Abyss, merci infiniment d'être venu au micro d'Histoire Vivante. On vous retrouve très prochainement pour la suite de ce chapitre. Merci, au revoir. Dimanche soir, vous avez rendez-vous avec le nouveau documentaire d'Histoire Vivante consacré précisément au Qatar. Cette semaine était réalisée par Jean-Philippe Svalen.